السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الحافظ يحيى ابن شرف النووي رحمه الله في الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous jalousez pas les uns les autres, n'enchérissez pas les uns sur les autres, ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns les autres, ne concluez pas de vente au détriment de certains d'entre vous. Soyez des serviteurs d'Allah, frères. Le musulman est frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ne l'abandonne pas, ne lui ment pas, ne le méprise pas. La crainte est ici, en faisant un signe vers sa poitrine 3 fois. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: il suffit comme mal pour le musulman le fait qu'il méprise son frère musulman. Tout ce qui appartient au musulman est sacré pour le musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Rapporté par Muslim. Le noble savant, le shaykh Salih ibn Abdelaziz Ali Shaykh Hafidhahullah, nous dit en commentaire du hadith: ce hadith est une base, un fondement, dans ce qui concerne le droit du musulman envers le musulman, et dans ce qu'il convient d'être comme type de relation entre les musulmans. Intaha kalamuhu hafidhahullah. Quant au noble savant, le shaykh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah, il nous dit en commentaire du hadith: ce hadith réunit les comportements qu'il doit y avoir entre les musulmans. Car certes, l'islam est venu avec l'incitation à la fraternité en Allah, et que les musulmans soient comme un seul corps, et comme l'édifice dans lequel les parties se consolident les unes les autres. Et c'est pour cela qu'il a interdit tout ce qui vient ternir ce but, et ce qui vient le faire disparaître ou le faire diminuer comme mauvais comportement. Donc ce hadith a comme sujet les nobles caractères et les comportements que le musulman doit avoir envers ses frères en islam, et le délaissement des choses venant contredire et nuire à cette fraternité. Al-ukhuwa fil islam. Il incombe donc à chacun de méditer sur les propos et les points cités par le messager sallallahu alayhi wa sallam afin d'accomplir ses droits que les musulmans ont les uns envers les autres, et de délaisser tout ce qui va à l'encontre de cela parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans le hadith. Il nous dit premièrement sallallahu alayhi wa sallam: la tahasadu, ne vous jalousez pas. La jalousie, à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: je vous mets en garde contre la jalousie, car elle mange les bonnes actions comme le feu brûle le bois. Donc la jalousie, qui est le fait de détester un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à un autre serviteur. Et si la personne souhaite que ce bienfait disparaisse de la personne, alors cela est encore pire dans la jalousie. Et la jalousie, en plus d'être une maladie qui mange les bonnes actions de la personne, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle implique que la personne ait une mauvaise pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui a décrété ce bienfait pour son serviteur, par une sagesse ou pour une sagesse immense, qu'elle soit apparente ou non. Et donc, cela implique que la personne s'oppose au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le fait de dire, ou de ne pas le dire, mais de le penser, que cette personne ne mérite pas telle ou telle chose. que moi, je suis plus en droit d'avoir telle ou telle chose. Pourquoi a-t-il eu telle ou telle chose et non pas moi? Donc, kullu hada montre que la personne implique que la personne s'oppose à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, qu'elle ait une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, quant au fait qu'il fasse toute chose subhanahu wa ta'ala par sagesse. Donc, qu'il fasse subhanahu wa ta'ala ce qu'il faut, quand il faut. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ses actes sont parfaits. Et s'il a décrété que telle personne est tel ou tel bienfait, alors cela est fait pour une sagesse immense, qu'elle soit apparente ou non pour le serviteur. Donc, il incombe aux croyants de s'écarter de cette maladie qui est la jalousie, al-hasad. Et parmi les remèdes à cette maladie, donc pour celui qui est touché par elle, le fait de se rappeler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit: وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Aux hommes, la part qu'ils ont acquise. Et aux femmes, la part qu'elles ont acquise. Et demandez à Allah de sa grâce. Car certes, Allah est omniscient. Sourate An-Nisa, verset numéro 32. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de ne pas convoiter ce qu'il a donné à autrui. Ce par quoi il a fait grâce à autrui plus qu'à d'autres. Car cela, comme cité précédemment, mène à ce que la personne s'oppose au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela mène à la jalousie. Et à ce que la personne soit prise de paresse et de faux espoirs, sans faire les causes pour atteindre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il convoite à autrui. Donc au lieu que la personne reste assise à convoiter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à autrui, donc elle doit se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, car le fait de rester à convoiter les autres, cela pousse à la paresse. Donc la personne reste paresseuse, ne fait rien, et a de faux espoirs, espère avoir, ou bien jalouse des autres, dans le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé. Et Allah informe aussi dans ce verset que les grâces que ces personnes ont reçues de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont que le fruit, après la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'ils ont acquis. Les rijali nasibum mimma iktasabu. Aux hommes, une part de ce qu'ils ont acquis. Donc, de ce pourquoi ils se sont fatigués et de ce qu'ils ont œuvré pour avoir cette grâce. Donc, nous avons dans cela une incitation à ce que la personne accourt à accomplir les causes permettant d'obtenir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que de rester à convoiter ce qu'Allah a accordé à autrui. Donc la personne accourt, se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ces personnes une part de sa grâce, car ils ont accompli les causes menant à cela. Que cela soit des bienfaits religieux, de la science, de la guider, que cela soit des bienfaits mondains, des richesses, une grande descendance ou autre. Donc cela est venu après la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala par la cause de ces personnes qui se sont fatiguées, qui ont fait les causes pour obtenir cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit subhanahu wa ta'ala wasalu Allah min fadli, et demandez à Allah de sa grâce. Donc la personne se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal possède une grâce immense. Il est dhul fadli al-azim, donc le détenteur d'une immense grâce. Donc, comme il a fait part de sa grâce à autrui, à ses serviteurs qui ont fait les causes, il est aussi capable, subhanahu wa ta'ala, d'accorder sa grâce et plus encore à autres parmi ses serviteurs. Donc, le serviteur, lorsqu'il sent que son âme penche vers des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à autrui, ou qu'il jalouse autrui, qu'il se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah l'ordonne dans ce verset, en l'invoquant, en lui demandant de sa grâce. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ. Tout en faisant avec cela les causes permettant d'obtenir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est capable, comme cité, de donner au serviteur encore plus que ce qu'il a convoité d'autrui. Et parmi ceux qui aident aussi à délaisser cette maladie qui est la jalousie, le fait d'invoquer en faveur de celui pour qui on ressent une forme de jalousie. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui bénir ses biens, de lui accorder un surplus, de le préserver et autres. Car en faisant cela, la personne apaisera son cœur. Et cela sera une cause pour que l'ange dise à ses invocations, et tu auras aussi la même chose. Donc cela sera une cause pour qu'il ait aussi, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, ce bienfait qu'Allah a accordé à autrui. Et aussi le fait qu'il se rappelle que cette demeure n'est que jouissance éphémère et épreuve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala accorde par épreuve et il prive par épreuve. Donc ces dons sont une épreuve à travers laquelle l'éprouve le serviteur. Celui qui sera reconnaissant aura des récompenses et se rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a été privé et qui patiente aura des récompenses venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela poussera le serviteur à concurrencer les autres dans les œuvres de l'au-delà. Car il se rappelle que cette demeure est une demeure éphémère, donc il ne sera pas accroché à ce bas monde-là. Et par cela, son cœur s'apaisera et il s'écartera de la jalousie. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Wala tanajashu » N'enchérissez pas les uns sur les autres. « An-najsh » qui est le fait que la personne fasse semblant de proposer un prix plus élevé pour une marchandise, donc qui est à vendre, qu'elle ne veut pas en réalité, qu'elle ne veut pas acheter. Son seul but par cela est de profiter au vendeur, dans le but que le vendeur puisse par exemple vendre sa marchandise plus chère, ou bien de nuire à l'acheteur, dans le but que l'acheteur achète cette marchandise plus chère. Donc cela est interdit. Puis il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, « Wala tabaradu » Ne vous haïssez pas les uns les autres. Cela car il est obligatoire aux musulmans de s'aimer les uns les autres et d'aimer pour les autres ce que l'on aime pour nous-mêmes. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour sa personne. Et ici, parmi les causes menant à l'amour entre les croyants, il y a ce qu'a cité le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole. « Voulez-vous que je vous indique une chose ? Si vous la faites, vous aimerez les uns les autres. » Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Répandez le salam entre vous. » Donc un point très important, qui n'est pas à négliger, qui est le fait de répandre le salam entre les croyants. « Afshus salam baynakum » Que l'on connaisse la personne qu'on rencontre ou non. Puis il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, « Wa la tadabaru » Ne vous tournez pas le dos. Le noble shaykh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, « Al-mudabara » est le fait de se détourner les uns les autres. Et ce qui l'incombe est que tu fasses face à ton frère, que tu l'accueilles avec sourire et joie. Et quant au fait de se détourner de lui tourner le dos, alors cela indique du mal. S'il n'y a que du bien, alors ne lui tourne pas le dos. Dirige-toi vers lui et souris-lui. Donc le musulman sourit à son frère, le rencontre, lui fasse face et ne lui tourne pas le dos. Excepté pour ce qui sera pour une raison religieuse, comme le fait de délaisser les gens de l'innovation, de se détourner d'eux, ou de délaisser les gens des péchés, ou autre, cela sera à ce moment-là légiféré pour une raison religieuse. Et aussi quant au fait de se détourner de son frère pour une chose mondaine, pour un mal qu'il a pu lui faire, mais qui n'est pas une chose qui touche à la religion, alors dans ce cas, il est légiféré, il est permis à la personne de faire cela pour une période qui ne dépasse pas 3 jours, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il nous dit wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Donc ici, qui sera l'exemple d'une personne qui, après qu'une vente ait eu lieu, après que le contrat de vente soit signé et que la vente ait été concrétisée, donc que cette personne vienne voir le vendeur ou l'acheteur dans le but de gâcher et d'annuler cette vente. En disant par exemple au vendeur que la marchandise qu'il a vendue aurait pu être vendu à un prix plus cher et qu'il est donc perdant dans cette vente. Ou bien en disant à l'acheteur que la marchandise qu'il a achetée aurait pu être achetée à un prix moins cher auprès de lui. Tout ça dans le but d'annuler la vente. Donc tout cela est interdit et va à l'encontre de la fraternité fid-din. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, wa kunu ibadallahi ikhwana, et soyez des serviteurs d'Allah, frères. C'est-à-dire concrétiser cette fraternité que vous avez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ceux qui entrent dans cela, dans cette fraternité, le fait de délaisser les choses interdites citées précédemment, qui vont à l'encontre de la fraternité al-ukhuwa fid-din. Hada, wallahu a'lam, et la fin du hadith sera bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala pour notre prochain cours. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.